c'est bien gentil de se promener comme ça dans la nature, le nez au vent. Mais maintenant, quel est le programme? Respirez à fond. Oxygénez-vous, profitez-en. Eh bien, moi, je plonge. Et voilà, c'est reparti pour un tour. Et au mépris du danger, avancez vers l'inconnu. Vous l'avez en tête, cette phrase qui ouvre chacun de nos épisodes depuis 7 saisons maintenant. Il était temps que nous nous interrogions à ce sujet. Les explorateurs et les aventuriers méprisent-ils vraiment le danger? N'éprouvent-ils aucune crainte face à l'inconnu? Autrement dit, leur arrive-t-il d'avoir peur? La question peut se poser lorsque l'on voit des navigateurs affronter en solitaire les 50e hurlant. Et comment ne pas s'interroger sur l'état psychologique des alpinistes intrépides escaladant des parois vertigineuses sans être attachés, ou encore des skieurs de l'extrême dévalant des pentes quasiment verticales sur lesquelles la moindre erreur serait fatale. Parfois, rien qu'en les regardant accomplir leur exploit, un frisson d'épouvante nous parcourt. Alors pourquoi ces hommes et ces femmes ont-ils décidé de vivre dangereusement malgré leur peur? Quel rôle jouent-elles dans leur existence? Est-il possible de la maîtriser, voire d'en faire une force? Notre invité Gérard Guerrier, écrivain, voyageur, mais aussi plongeur, montagnard, pilote d'aile Delta, s'interroge sur ses peurs choisies dans un livre paru aux éditions Guérin intitulé « Éloge de la peur ». Il va nous livrer le fruit de ses réflexions cet après-midi. Et en fin d'émission, Pierre Josse, le rédacteur en chef du Guide du Routard, nous emmènera à la découverte de l'un des paysages les plus insolites de l'Irlande. Voilà pour le programme de la deuxième partie de notre bivouac. Le temps d'un bivouac, Daniel Fievé sur France Inter. Vous savez, la réaction face à la peur, la réaction instinctive, c'est de se sauver ou de se cacher. Ça, c'est la réaction de l'animal. Sauf quand il est pris, coincé, il attaque. Chez l'homme, la réaction est, je pense, tout à fait identique, mais sa volonté et son raisonnement interviennent, plus ou moins. Chez moi, j'ai toujours réussi à dominer mes peurs, j'en ai eu souvent beaucoup de diverses natures. J'ai toujours réussi à les dominer pour ne jamais perdre le sang-froid qui est la condition essentielle dans une situation exposée de se sauver. Le volcanologue Haroun Taziev évoquant son rapport à la peur. C'est à cette peur, celle que l'on choisit de vivre en connaissance de cause, que vous vous êtes intéressé, Gérard Guerrier, pour votre ouvrage « Éloge de la peur ». Oui, parce que pour des raisons d'abord très personnelles, il se trouve que pendant de nombreuses années, non pas que je niais la peur, mais pour moi, un peu comme Olivier de Kersauzon, je la méprisais. Et donc, j'ai vécu dangereusement pendant de nombreuses années, jusqu'à un accident récent, pour tout dire, le décès de notre fils en parapente. Et là, je me suis découvert peureux. La mort, qui n'était qu'un concept philosophique jusque-là, a pris une tragique réalité. Et j'ai voulu comprendre les fondements de cette peur et qu'est-ce qu'on pouvait faire avec cette peur. Et de mépris de la peur, je passe à l'éloge de la peur, puisque c'est le titre du livre que j'ai écrit, ce qui me permet sans doute de vivre un peu mieux aujourd'hui. Alors vous parlez dans votre ouvrage de cet équilibre entre la peur et la volonté, dont parlait Haroun Taziev à l'instant, dans l'extrait que nous avons entendu. C'est le propre de l'homme, disait aussi Haroun Taziev, cette peur que l'on parvient à dominer grâce à sa volonté. Alors, le propre de l'homme, ça, c'est une grande question, parce que de nombreuses personnes pensent que la peur est finalement commune à tous les mammifères. Et il y a effectivement une peur qui est commune à tous les mammifères, qui est, je dirais, une espèce de peur physiologique, qui va nous emmener dans la panique, dans la fuite, l'immobilité, le combat, que sais-je encore. Mais il y a aussi la peur raisonnée, et là je pense que c'est celle dont parle Haroun Taziev, c'est-à-dire je vois un requin, j'ai peur, mais je sais que au-dessus de moi il y a un zodiaque qui est pas très loin, que j'ai un camarade avec un harpon sous-marin, finalement rien ne peut m'arriver. Donc là on est dans la peur raisonnée. Puis il y a une troisième peur qui est encore plus intéressante, c'est tout ce qui est lié à l'angoisse, l'anxiété, qui est le fruit de notre imagination, de notre projection dans le futur. Et d'ailleurs, dans votre livre, vous faites la distinction, hein, pour qu'on sache un peu de quoi on parle. Il y a la peur, il y a l'angoisse, il y a l'anxiété. Ce sont trois choses différentes pour vous. Alors, nous, on va parler de quoi aujourd'hui, de ces trois peurs-là, ou c'est surtout la peur en tant que telle qui vous intéresse ? Moi, c'est la peur en général, la peur générique qui englobe l'anxiété, qui englobe la crainte, l'appréhension, l'angoisse, la terreur. La terreur, c'est encore une peur différente des autres, peut-être moins constructive, oui, plus paralysante. Celle-là, on l'a subi vraiment. Là, on l'a choisi plus vraiment, celle-là. Pendant longtemps, pour les aventuriers, cette notion de peur, elle était un peu taboue. Alors, on la méprisait ou on en avait honte, mais c'était difficile d'aborder cette question de la peur avec les aventuriers, avec les sportifs de l'extrême. Oui, socialement, la peur est honteuse. Si vous prenez tous les synonymes de peureux, trouillard, pétochard, que sais-je encore. Puis vous prenez l'opposé, vous prenez les antonymes, audacieux, brave. Donc il est clair que quand on est enfant, on sait dans quel camp il faut être. La peur est honteuse. Et les aventuriers, évidemment, qui sont à la pointe de l'audace, ne peuvent que mépriser la peur. Alors vous, pour votre ouvrage, vous en avez rencontré de nombreux, aussi bien des sportifs de l'extrême que des aventuriers, comme Bertrand Piccard, qui signe d'ailleurs la préface de votre ouvrage, Isabelle Autissier, d'autres encore. Est-ce qu'ils se sont livrés facilement sur la peur ? Ah ça, c'était une grande question, parce que c'est pas évident, si vous voulez. Moi, Isabelle Autissier, que j'ai été la première, ça a été la première à rencontrer, j'ai passé 3 heures avec elle. Mais on peut aller dans l'intime jusqu'à un certain point. C'est pour ça que j'ai émaillé mon livre de souvenirs autobiographiques, parce que là, je peux parler de moi, parler de mon intimité. Ouais. C'est ça. Oui, vous n'avez pas peur de dire les moments où vous avez été saisi par la peur. Mais Isabelle Autissier le fait aussi, parfois. Par exemple, ici, suite à son naufrage lors de la course Around Alone, nous sommes en 1999. La navigatrice a dû passer plusieurs jours dans son bateau, retourné, et le lendemain de son sauvetage, elle raconte. Le bateau s'est retourné extrêmement vite, et à partir de là, je pouvais absolument plus rien faire. Heureusement pour moi, j'étais à l'intérieur. J'ai pu fermer la porte tout de suite. Je pouvais rien faire d'autre que déclencher ma valise, quoi. Donc attendre des secours. Maintenant, c'est quand même toujours angoissant, même si on se dit qu'il y a sûrement quelqu'un qui va venir. La chance de retrouver un bateau, même dans les conditions relativement tranquilles qu'on a en ce moment, Giovanni disait que ça avait été très très dur de me voir, que le bateau à l'envers, il flotte évidemment très très bas sur l'eau. J'ai passé mes 24 heures à imaginer toutes les solutions avec lesquelles je pourrais donc sortir du bateau, aller à la rencontre d'un autre bateau. Je savais pas si ça allait être un cargo, un voilier. Donc rassembler le matériel de survie, m'organiser, essayer de récupérer ce qui pouvait l'être pour être prête éventuellement à tenir plus de jours s'il fallait. Donc je crois que c'est important de s'occuper la tête aussi et de rester active, même si on est dans une situation qui est quand même assez dramatique, quoi. Mais le fait d'être enfermé dans la coque du bateau, c'est très pénible, quoi. On se sent complètement prisonnière de la nef, quoi. L'eau est vraiment glaciale. Cette nuit, j'ai eu très très froid parce qu'évidemment, j'étais trempée. Puis je crois aussi que psychologiquement, l'attente la nuit, c'était pas terrible. Elle parle beaucoup par euphémisme. Elle parle de moments angoissants au début de son témoignage. Ensuite, elle dit situation dramatique. Puis ensuite, elle dit des instants pénibles. C'était compliqué. Ce sont des euphémismes. Clairement, elle a eu peur de mourir pendant ce moment-là. Alors, c'est quelque chose que vous notez dans votre livre. Souvent, les aventuriers en carton, entre guillemets, ont tendance à maximiser les risques, à se faire passer pour plus valeureux qu'ils ne sont. Et finalement, ceux qui ont vraiment frôlé la mort, peut-être pour protéger leur entourage, peut-être pour se protéger eux-mêmes, minimisent un peu ce qui leur est arrivé. Oui, alors Isabelle, c'est extraordinaire parce que c'est une cérébrale. Et évidemment, je l'ai interrogée sur ses heures et sur son angoisse. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que elle m'a avoué de nature être une anxieuse. Ouais. C'est-à-dire, avant le départ d'une course, elle me dit « je suis vrillée par l'anxiété, je ne dors pas ». Et en fait, le départ est une libération. Et là, elle est dans une situation terrible. Elle est dans les 50e rugissant. Bon, évidemment, elle a déclenché sa valise de détresse. D'accord, mais est-ce qu'elle marche ? J'en sais rien. À quelle distance est le premier concurrent ? On n'en sait rien. Et elle Il faut voir, elle est enfermée dans la coque de son bateau, recroquevillée à l'intérieur. On imagine c'est l'enfermement au milieu de l'immensité. Dans la coque retournée, avec les vagues, avec le vacarme des vagues, etc. Et elle m'a dit, écoute, dans ces moments-là, eh bien, moi, j'ai essayé de calmer mon angoisse et j'ai dit, allez, sale bête, vous ne mourrez pas, je suis vivante et j'ai bien l'intention de vivre. Il y a plusieurs comme ça aventurières ou alors d'ailleurs ce sont souvent ça m'a amusé parce que souvent sur l'aventure et l'exploration il y a plus d'hommes que de femmes et là dans votre ouvrage on trouve plus de femmes. À mon avis c'est pas qu'elles ont plus peur, c'est qu'elles le disent peut-être plus facilement, elles sont peut-être moins empreintes de stéréotypes un peu machistes qui feraient qu'elles auraient du mal à reconnaître que parfois elles ont eu peur. Alors pour moi c'était ma volonté, je voulais avoir autant d'hommes que de femmes. Alors, c'est vrai que statistiquement, il y a un peu plus d'hommes sportifs extrêmes que de femmes. Mais aussi, ce qui est intéressant, scientifiquement, on remarque que les femmes sont plus sensibles à la peur. Mais ça veut pas dire qu'elles sont plus peureuses. Pour moi, ça veut dire qu'elles sont plus intelligentes. Mmh. Elles sont plus en relation avec la réalité des choses. Et elles sont capables de saisir des choses que les hommes omnibulés par l'objectif ne sont plus capables de saisir. Elles sont vraiment plus sensibles à la peur ou simplement elles le disent plus facilement? Je crois qu'elles le disent plus facilement, effectivement, mais je pense aussi qu'elles sont plus sensibles, non pas à la peur, aux signaux extérieurs. Mmh. Elles écoutent plus leur peur? Ouais. Ouais. L'homme a une capacité extraordinaire. Quand il a un objectif, il est capable de mettre des œillères et d'oublier tout le reste. Les femmes ont beaucoup plus de mal avec ça. Alors il y a aussi l'alpiniste Edurne Passaban, alpiniste basque, qui vous dit, alors elle a gravi 14 sommets de plus de 8000 mètres, mmh. Donc c'est la première à l'avoir fait, et elle vous dit très honnêtement, si elle y est arrivée là où des amis à elle sont morts, c'est parce qu'elle est plus peureuse, elle était plus peureuse qu'eux. Plus peureuse, plus consciente. Plus consciente de la réalité des choses. Il faut savoir qu'Edurne, elle a perdu des amis en haute montagne et elle en est consciente et elle se dit, si je suis encore en vie, c'est parce que j'écoute mes peurs. Ouais. Alors Gérard Guerrier, vous écoutez vos peurs vous aussi et vous êtes prêt à en parler. Dans votre ouvrage, vous le dites, vous parlez d'appréhension avant une plongée, après avoir aperçu un aileron, vous y allez et vous faites une frayeur qui est d'ailleurs très cérébrale parce qu'en fait il n'y a aucune crainte à avoir. C'est la suite de l'histoire vous le révélera. Oui, c'est ahurissant. Il y avait des donc on plongeait entre l'île de Pico et de Fayal aux Açores et on savait que là il y avait des grands mammifères et éventuellement des requins. Donc grands mammifères, voire même des orques. Et donc on plonge et on entend du bruit. On est au fond à 45 mètres. On entend du bruit, on voit des ombres. Et là franchement, notre sang se fige. On se colle contre les patates de rocher. On est prêt à défendre notre peau. Et puis on réalise que ce sont des dauphins en parade amoureuse. Ouais. Mais à la limite, ça aurait été des requins. Il y a des plongeurs qui ont fait des superbes plongées avec des requins et qui n'ont pas eu peur et qui en gardent un excellent souvenir. Ouais. Alors ça c'est intéressant. C'est la part du fantasme dans les peurs. Ouais. Hein, moi, quand j'étais gamin, j'étais sevré et nourri avec les films de Cousteau. Ouais. Et Cousteau, à chaque fois, ils descendent dans des cages protégées avec des harpons. Ouais. Et vraiment, les requins, c'est des affreux. Et donc, c'est resté profondément ancré chez moi. Et puis, après coup, après certaines plongées, vous vous interrogez sur les risques que vous prenez. Et finalement, est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Alors ça, c'est en 1983, pour tester un mélange de gaz, de plongée. Vous le faites et après coup, vous vous dites, mais pourquoi j'encours ce risque-là? Qu'est-ce qui me pousse à faire ça? Quel est l'intérêt de faire ça? Ouais, donc le contexte, je suis ingénieur plongeur à la Comex, en charge de certains projets de recherche et développement, et on étudie l'hydrogène comme mélange gazeux, et donc on va faire la première plongée profonde à l'hydrogène, et j'ai été, ça a été un de mes rares titres de gloire, j'ai été un des premiers hommes à respirer l'hydrogène, avec des conséquences inconnues. Ça, vous êtes cobaye. Pour cette expérience, vous êtes cobaye. Vous ne savez pas ce qui va vous arriver. Absolument. Oui, parce que ceux d'avant, c'était des souris. Alors, on les avait découpés en rondelles. On avait vu que finalement, elles n'étaient pas trop amochées. Bon, quant à nous, on ne savait pas trop. Et en fait, quand je suis sorti de caisse, puisque c'est notre jargon de plongeur, quand je suis sorti de caisse, je me suis dit, mais pourquoi j'ai fait ça? Est-ce que c'est pour la gloriole? Est-ce que c'est pour l'argent? Parce que je touchais une prime de saturation. Est-ce que c'est par curiosité? Ou est-ce que c'est pour ressembler à mes héros astronautes ou à Cousteau? Vous avez la réponse 30 ans après? Ouais, je pense que j'étais jeune et je voulais ressembler à mes héros. Nous clairement. Nous intéressons à la façon dont les explorateurs surmontent leur peur face au danger avec Gérard Guerrier cet après-midi. Le temps d'un bivouac sur France Inter. Ravi, cher ami, jamais je te tournerai le dos. Posé à tes côtés, nous n'avons plus peur de rien. Mon panique, mon magique, des réponses à nos questions. Si je suis largué maintenant, je sais. C'était À tes côtés de Malik Djoudi et Étienne Dao dans Le temps d'un bivouac. Ce qui est intéressant en solo, c'est le fait que ta vie soit en danger. Ça motive ta concentration. C'est normal, je pense qu'on ait peur, c'est d'ailleurs ce qui t'attire, si tu veux. Tu as une notion de peur qui rentre en jeu, c'est certain. Et ce qui est plaisant, c'est d'arriver à la dominer. Quand tu es en solo, de toute façon, il faut faire abstraction complète du gaz. C'est-à-dire, tu n'y penses absolument plus. Tu es tellement concentré par tes mouvements, par le fait de faire aucune erreur, que le gaz, tu n'y penses absolument plus. Tu y penses uniquement quand tu es encordé, que tu t'arrêtes un relais ou en saut, quand tu te reposes. Là, tu prends conscience, disons, de l'élément dans lequel tu es, du vide qu'il y a. Mais sinon, c'est un truc qu'il faut faire abstraction complètement. Ouais. Ça te bloque. Tu n'y arrives pas à faire des mouvements très durs. Et ce qui est grisant, justement, c'est le fait de savoir qu'il y a cette ambiance-là derrière et qui fait que volontairement, on se met dans cette ambiance. C'est sûr que ça a plus d'engagement, plus d'intérêt. Le grimpeur Patrick Edlinger, alors le gaz dont il parle, c'est la sensation de vide omniprésent que peuvent ressentir les alpinistes et les ceux qui font de l'escalade. Hein, c'est un terme consacré, ce gaz. Alors, qui est-il, Patrick Edlinger, Gérard Guerrier? Ben Patrick, c'était l'archange du Verdon. Oui. Décédé en 2012. Oui, d'un accident stupide. Qui a inventé, on va dire, l'escalade totalement libre, parce que c'était un garçon surdoué. Ouais, c'est un vrai précurseur. Il parle du côté grisant de ce. Alors, ce qu'on appelle l'escalade en solo, c'est quoi pour ceux qui ne sont pas de la partie? On parle de quoi là? Oui, alors il faut faire attention, parce qu'il y a l'escalade en solo assurée avec corde, parce qu'en solo on arrive à s'assurer en corde, c'est un peu compliqué. Et puis il y a aussi l'escalade solo sans corde, free solo, c'est-à-dire qu'en gros, si on tombe, on est mort. Voilà. Lui, il faisait. Il faisait les deux, à ma connaissance. Non, c'était un type extraordinaire. Mais ce qu'il dit est très intéressant, parce qu'il dit en gros, la peur me permet de me concentrer sur l'instant présent et d'oublier les contingences extérieures, dont le vide. C'est quand même incroyable. Mmh. Et c'est un des rares aspects positifs de l'adrénaline. Enfin. Au niveau d'une activité sportive, ouais. En tout cas. La peur peut être paralysante, elle peut être aussi un motif à se concentrer sur sa tâche et l'instant présent. L'adrénaline va réduire votre cône d'observation, va exacerber vos sens et va multiplier vos capacités physiques. Donc pendant un moment, vous êtes un surhomme. Mais ça dure pas très longtemps. Ça peut être dangereux aussi de se penser sur homme. Vous dites, je ne sais plus qui le dit, mais face au danger, l'expert ne sait pas forcément. Enfin, le danger ne sait pas que vous êtes un expert. Tout à fait. Donc, il faut quand même se méfier du danger. Oui, hein. Et puis la réduction de cône d'observation, c'est bien pendant un moment. Mais si vous avez une chute de pierre qui vous tombe dessus, mieux vaut avoir les yeux ouverts. Il y a une formule là aussi. J'ai plus le nom de cette sportive qui vous dit ça, mais qui vous dit quand on fait certains sport de l'extrême, c'est un peu comme si on jouait au basket, sauf que si on loupe le panier, on nous met une balle dans la tête. Autrement dit, on n'a pas le droit à l'erreur, la moindre erreur est fatale, on le sait, c'est la règle du jeu, et encore, on a du mal à appeler ça une règle du jeu. C'est vrai que pour le commun des mortels, ça fait froid dans le dos, on se dit, quel est l'intérêt de faire ça? Alors, cela n'est pas vrai de tous les sports, Dieu merci, de tous les sports extrêmes. Moi, j'ai quelques milliers de vols en delta. J'ai eu trois ou quatre close calls, comme on dit, ou disons des accidents qui auraient pu me mener à la mort. Mais j'ai eu des tas d'accidents où, bénins. Le free solo, c'est vraiment l'extrême. Il n'y a pas plus extrême, je dirais, comme activité. Donc ce free solo, hein, c'est de l'escalade sur des parois verticales sans aucune sécurité, sans aucune corde pour s'assurer. Les sportifs qui pratiquent ce type d'activité ont-ils un profil psychologique particulier? Ah, ça c'est la question qui occupe un bon tiers de mon bouquin. En fait, globalement, je vais vous faire une réponse très simple. Vous prenez des risques quand la motivation est supérieure à la peur. Donc, même si la peur est très haute, si votre motivation est très élevée, vous pouvez quand même y aller. Mais la sensation de peur est fonction de chacun. Parce qu'elle est fonction de nos fantasmes, elle est fonction de notre physiologie. Donc, vous avez des gens qui ont très peu peur. Et des gens qui ont un niveau normal de la peur, comme moi, par exemple. En fait, la réponse, c'est les deux cas existent. Alors après, en quelle proportion, on ne sait pas. Prenons le cas, un cas particulier, Alex Honnold, qui est un grimpeur californien. Alors, il a réalisé un exploit incroyable, l'ascension en 4 heures, que d'autres font en plusieurs jours. C'est 900 mètres d'une paroi verticale. El Capitan, les spécialistes connaissent bien. Hein, c'est dans la vallée de Yosemite, aux États-Unis. Lui, en 4 heures, il a grimpé cette falaise. Il a pris tous les risques pour grimper cette falaise. Les gens se sont demandé, mais pour qu'il prennent de tels risques sans craindre la mort, la chute, est-ce que son cerveau est vraiment câblé comme celui de tout un chacun? Alors, on a fait un test, on l'a mis dans une IRM fonctionnelle et on a essayé de regarder ce qui se passait dans le cerveau d'Alex Honnold. Les gens spéculent sur ma façon de gérer la peur et ma capacité à faire du solo intégral. Ils pensent que je recherche le risque ou que ça ne tourne pas rond dans ma tête. Quand on m'a contacté pour passer une IRM, je me suis dit que ça serait cool de voir ce qui se passe et de scanner mon cerveau pour voir s'il est normal. On va commencer. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton chaque fois qu'une nouvelle image apparaît. Ok. On verra s'il s'avère que je suis une créature bizarre. Plusieurs de mes ex m'ont dit que j'avais des troubles de la personnalité et que je n'étais pas normal. Stable émotionnellement ? Oui. Ingénieux, philosophe ? Non. Trouver des failles chez les autres ? Plus ou moins. Mon cerveau est-il intact ? Il est intact, et c'est très intéressant. Ces deux petits points qui sont près du haut de l'écran, c'est l'amygdale. Ce qui est intéressant, c'est l'absence d'activation de votre amygdale. Il ne se passe pas grand-chose dans mon cerveau. Vous pensez que mon amygdale ne marche pas ? Elle marche, mais il lui faut un niveau beaucoup plus élevé de stimulation. Ce qui stimule la plupart des gens n'a pas l'air d'être efficace pour vous. Le cerveau d'Alex Honnold a quand même l'air de fonctionner pas tout à fait comme celui de Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Autrement dit, il a un seuil de déclenchement de la peur beaucoup plus élevé que la plupart d'entre nous. Oui, il a une amygdale qui tourne au ralenti. Dans l'IRM fonctionnel, on lui a projeté des tas d'images horribles et il en est sorti, il dit « it's no big deal ». C'est comme un manège de maison hantée. Il n'y a pas de quoi faire une affaire. Mais ça finit par rappeler des profils un peu de psychopathes, c'est-à-dire qu'ils sont incapables d'empathie, qui ont une drôle de capacité à ressentir les émotions. Alors, il y a deux choses là. Bon, moi, il y a effectivement un psychosociologue autrichien qui pense que la moitié des sportifs extrêmes ont des profils de psychopathes. Mmh. Attention, psychopathe, c'est pas une maladie, c'est un trouble de l'émotion. Maintenant, Alex, c'est quelqu'un effectivement qui réagit de façon très différente à la peur que moi, par exemple, mais il a un niveau émotionnel à peu près normal. Il n'a rien d'un psychopathe criminel, soyons clairs. Mais c'est vrai que quand on est dans une activité, moi je sais que j'ai fait du deltaplane pendant 10 ans à très forte dose, en gros tout mon temps libre était dédié au deltaplane, et d'une certaine façon je peux aujourd'hui avec le recul dire que j'étais un psychopathe, c'est-à-dire je ne m'intéressais qu'à mon deltaplane, un peu à ma famille quand même, mais c'était d'abord le deltaplane. Il faut une part d'égoïsme pour prendre ces risques quand on a une famille. Je sais pas si c'est de l'égoïsme, de l'aveuglement sans doute, ouais. Une addiction, une monomanie. Alors vous, le deltaplane que vous faisiez, c'est du, alors je connaissais pas, hein, mais du deltaplane, enfin de, il y a bivouac dans le mot. Aidez-moi. Oui, du vol bivouac. Du vol bivouac. Alors voilà. Aujourd'hui, c'est devenu presque un classique avec le parapente. Mais à l'époque, en deltaplane, je parle dans les années 80, ouais. On était quelques-uns en Europe à faire ça, dont Didier Favre qui est décédé d'ailleurs. Et ça, c'était un engagement total parce que, en gros, il fallait atterrir avec nos ailes au sommet d'une montagne et redécoller le lendemain sans aucun GPS, sans aucune radio. Enfin, on était nous-mêmes. À l'époque, vous êtes le premier à avoir traversé les Alpes en vol bivouac ou l'un des premiers ? Non, j'étais un des premiers à essayer. D'accord, c'est bien. C'est déjà pas mal. Vous êtes modeste, mais il y avait vraiment du risque dans. Ah oui. Dans cette. Oui, il y avait un risque maximum pour vous dire. Ma première journée, j'étais du côté de Barcelonnette et bon, les ascendances ne fonctionnaient plus. Il fallait me poser au sommet d'une montagne et j'ai atterri sur un champ qui était incliné à 40 degrés. Que pensez-vous de l'idée que la peur peut être un plaisir, qu'elle procure cette décharge d'adrénaline, un peu du junkie qui va chercher sa dose de peur ? Vous l'abordez dans votre livre avec beaucoup de circonspection. Oui. Oui, parce que c'est l'explication commode. Oui, ce sont des drogués à l'adrénaline. En fait, bon, quand on connaît les effets réels de l'adrénaline, il n'y a vraiment pas de quoi être drogué. Les tripes serrées, les mains moites, etc., etc. Non, je crois qu'il y a effectivement une addiction. Bertrand Piccard, d'ailleurs, c'est marrant parce que Bertrand Piccard et moi, on a pratiqué le delta à haute dose à la même époque. Et il me disait, mais moi, je m'échappais du lycée dès que je pouvais. Je montais mon aile sous la pluie et j'étais été capable d'attendre des heures en attendant pour faire ce qu'on appelle un plouf, c'est-à-dire un vol balistique sans aucun intérêt. Mmh. Et moi, j'ai vécu les mêmes choses. Mmh. C'est de l'addiction. Et j'en ai pas mal discuté avec les neuroscientifiques. Ils pensent que c'est une addiction à la dopamine, c'est-à-dire l'hormone de la récompense ou du contrôle de la peur. Est-ce que certains aventuriers ou sportifs de l'extrême ont un côté suicidaire ? On essaie de faire les différents cas de figure qui peuvent pousser ces gens à prendre ces risques pour leur vie. Oui, alors tout ça est un peu vrai. On peut être un peu psychopathe, un peu drogué à la dopamine et puis un peu dépressif. Et être équilibré quand même, parce que souvent ils sont quand même assez équilibrés. Et s'en sortir malgré tout. Ouais, ouais. Et dire ça passe ou ça casse. En gros, je prends des risques, aimez-moi. Moi, je l'ai vécu, bon, je peux en parler maintenant, il y a prescription. J'étais gamin, j'avais 20 ans, premier grand chagrin d'amour. Et toujours aux Açores, évidemment, je m'amusais à descendre le plus profond possible en bibouteille. Et ensuite, enlever le détendeur et remonter sur une seule inspiration, ce qui est excessivement dangereux. Et j'arrivais comme ça à remonter à partir de 55 mètres. Et là, on a 20 ans et c'est un peu comme une conduite en ivresse d'une certaine façon. Hein, ça passe ou ça casse. Ouais. C'est Lord Dali, comme dirait Emmanuel Macron. Ouais. C'est le conseil que vous donnez de ne pas se lancer dans une aventure quand ça ne va pas dans sa vie personnelle. Il faut être bien dans sa tête et aimer la vie pour se lancer dans de telles aventures. Sinon, on peut aller droit à la catastrophe. Ouais, et surtout se méfier de cette période bénite et maudite à la fois, qui est les 18-28 ans, où on a à la fois l'autonomie financière, physique, etc., mais on n'est pas le raisonnement n'est encore pas tout à fait mature et on est gonflé à mort avec la testostérone, je parle pour les garçons, éventuellement par les montées d'ego, etc. Donc se méfier de cette époque-là. Gérard Guerrier, auteur de Éloge de la peur à l'usage des aventuriers et des baroudeurs du quotidien aux éditions Paulsen, est l'invité du Temps d'un bivouac sur France Inter. Merci. Just like a Casio, breaking it apart so you can let it go. Oh, wait another year, that's not original. I'll send a call, alright, let's go now. Just want the keys back to my vehicle. They're just gonna tell you that I wasn't you. And I just wanna tell you this is how I feel. I know you feel, I know you feel it. Just like a Casio, breaking it apart so you can let it go. We're dirty, that's not original. Send a call, alright, let's go now. Casio, c'était Jungle sur France Inter. Dans mon idée, dans mon imaginaire et les discussions que j'avais avec la météo, c'était avec le météorologue, c'était qu'en fait, c'était pour moi un voyage de sénateur que je devais faire, vous voyez. Voler au-dessus de la banquise à 2000 mètres. 2000 mètres, c'est une altitude qui vous permet de stabiliser le ballon, vous n'êtes pas près du sol. Et en fait, ça s'est résumé à un vol qui devait se faire entre 250 et 300 mètres d'altitude. C'est très très près du sol. Et le départ, c'était dans les montagnes, dans le brouillard, sans trop savoir où j'étais, enfin par rapport aux massifs qui m'entouraient. J'ai eu tout d'un coup des peurs de voir des massifs sur lesquels j'étais en train d'aller parce que je perdais de l'altitude. Enfin, j'ai eu un incendie au milieu du parcours, j'ai eu une fuite de gaz sur un débrûleur. Là, par contre, j'ai cru que c'était là, j'allais mourir. J'ai dit, merde, je ne veux pas mourir là, quoi. Je me revois en train d'hurler, c'est trop con de mourir là, quoi. Et tout d'un coup, donc, j'ai eu la présence d'esprit d'aller vers l'extincteur. Ça s'est arrêté. Donc là, c'était le premier miracle, si vous voulez, de ressortir de ce début d'incendie. Et je me dis, je suis sauvé, ça y est, j'étais émotionnellement fatigué. Et je sors pour prendre l'air. Et là, je me rends compte que je suis en train de m'échouer parce qu'en fait, j'avais perdu de l'altitude énormément. Donc, je suis passé à ras de la banquise en train de... Parce que j'ai dû larguer des sacs de sable, larguer, chauffer avec le deuxième brûleur qui me restait. Et puis, j'ai repris de l'altitude. Donc, j'ai eu des grosses émotions. Oui, c'était un vol qui a été dangereux, oui. L'explorateur Jean-Louis Etienne au micro de Fabienne Chauvière dans l'émission Les Saventuriers en 2011. Gérard Guerrier, vous qui vous intéressez à la peur et qui publiez Éloge de la peur aux éditions Paulsen, dans ce récit, il y a deux aspects. Il y a le premier, il s'attend à un vol de sénateur. Finalement, il n'a pas très peur, hein. Il part plutôt en confiance. Et au moment où survient le danger, la peur le met en action et lui permet de sauver sa peau. Oui, alors deux réactions. La première, c'est que dans un milieu exposé, il ne peut pas y avoir de routine. La routine, c'est le danger. Ça, par exemple, les secouristes du PGHM, de la gendarmerie de haute montagne vous le diront. Surtout ne pas rentrer dans la routine, être tout le temps en éveil. Ce qui est épuisant. Mm-hmm. Ce qui est épuisant, il faut le savoir. Après, oui, Dieu merci, la peur existe. Et c'est grâce à cela qu'on existe encore, parce que quand la peur est là, on est mobilisé, on va vite, on est efficace jusqu'à un certain point, dans la mesure où on est bien formé. Mmh. Hein? Si ça avait été quelqu'un d'autre que Jean-Louis Etienne, peut-être avec moins de sang-froid, on serait peut-être allé à la catastrophe. Et quand la peur relâche son étreinte, ça peut aussi être dangereux. Il y a la grimpeuse Stéphanie Baudet qui vous dit, elle vous confie cette histoire où, parce qu'elle n'avait plus peur, elle était trop sereine, c'est la chute. Ouais. Ça, c'est un grand classique, non pas de l'alpinisme, mais de la randonnée. On a passé le petit passage difficile, la pente neigeuse un peu glissante. Ça y est, on descend vers le village et c'est là que l'accident arrive. Mmh. C'est un très très grand classique, ça. Alors, Bertrand Piccard, dont on a déjà parlé dans cette émission, un explorateur, on se souvient de lui pour Solar Impulse, ce tour du monde avec l'avion solaire, c'est lui qui signe la préface de votre ouvrage. Il est intéressant parce qu'il est aussi psychiatre, hein, donc il a à la fois la casquette d'aventurier et puis celui qui réfléchit à la façon dont... Ouais, il réfléchit beaucoup. Ouais, il réfléchit beaucoup, en plus d'être aventurier. Alors, il nous avait raconté dans Le Temps d'un bivouac l'un de ses vols en ballon qui ne s'était pas passé comme prévu. Je dois dire que ça a toujours été calme parce qu'il n'y a pas de raison de paniquer, mais c'est vrai qu'il y a des moments qui ont été beaucoup plus tendus. Je me rappelle le 17e jour sur le Mexique, Brian Jones et moi, nous avions fait une erreur dans l'équilibre de l'air respirable dans la capsule. On était en train de s'asphyxier avec du CO2 alors que nos instruments ne marquaient rien du tout comme alerte. Et avec la fatigue, l'essoufflement dû au CO2, etc., le vent qui nous tirait dans une mauvaise direction, c'était vraiment le pire jour du vol. Mais il n'y a pas de raison de paniquer. Ce qu'il faut, c'est essayer de trouver des solutions. Et c'est ce qu'on a fait finalement en montant le plus haut possible. On a retrouvé des bons vents qui nous ont remis dans la bonne trajectoire. Et là, on a réussi à retrouver le jet stream de l'Atlantique. Pas de raison de paniquer, encore faut-il, voilà, il suffit pas de le dire, hein, faut réussir à garder son sang-froid. La question que je me pose, autant pour Bertrand Piccard que pour Jean-Louis Etienne, c'est à quel point toutes ces mésaventures marquent, et est-ce qu'elles marquent forcément positivement? C'est-à-dire qu'on est sorti par le haut de ces mésaventures, mais on a frôlé quand même la catastrophe. Est-ce qu'on peut sortir traumatisé et finalement plus peureux après avoir côtoyé la mort de si près? Alors moi, c'est un point évidemment qui m'a beaucoup intéressé. Il se trouve que parmi les sportifs aventuriers que j'ai interrogés, on ne peut pas parler de syndrome post-traumatique. Évidemment, vous savez que les émotions et la peur, qui est la plus puissante des émotions, c'est un très puissant marqueur de nos souvenirs. Donc c'est comme ça qu'on se souvient à vie de notre premier baiser, mais de notre premier vol en deltaplane, que sais-je encore. Et donc, non, ces gens-là sont en gros, parce qu'ils sont préparés, parce qu'ils ont choisi de le faire, ils ont très peu de syndrome post-traumatique. Les véritables syndromes post-traumatiques sont liés très souvent à des problèmes de culpabilité quand il y a la mort d'un ami. Alors ça on va le traîner à vie. Je pense à Reinhold Messner, par exemple, qui a perdu son frère Gunther au Nanga Parbat et qui toute sa vie a eu un sentiment de mal-être par rapport à cette situation. Et puis aussi des situations d'inhumanité. Moi, j'ai interrogé un colonel responsable des démineurs de la Légion et qui me parlait de son expérience en Bosnie. Il me disait que c'était ça qui l'avait marqué le plus, c'était l'inhumanité des situations. Mais pas la mise en danger. Pourtant, est-on plus heureux en vieillissant? Plus heureux, plus peureux en vieillissant. Alors, on est peut-être plus heureux. Oui, j'ai fait un lapsus assez intéressant. Très certainement plus peureux. Ça, c'est une évidence. C'est une évidence parce que d'abord, nos peurs se nourrissent de nos souvenirs. Premier point. Deuxièmement, le tic-tac de l'horloge est beaucoup plus audible. Enfin, moi, en tout cas, c'est mon cas. Troisièmement, physiquement, bon, bah, vous avez pas tout à fait la même pêche qu'à 20 ans. Et puis, quatrièmement, la motivation est moindre parce que nos limites, on les connaît. Donc, on n'a pas besoin de les tester tout le temps. Mmh. Et puis, enfin, j'espère, finissons sur une note positive, que l'ego est un peu moins envahissant. Mmh. Oui, c'est ça. Alors, finalement, l'un des moteurs, en tout cas, vous semblez le dire, après cette réflexion, après avoir rencontré tous ces aventuriers, c'est le besoin de reconnaissance, c'est l'ego qui fait prendre tous ces risques? Non. Comme je vous ai dit, c'est un cocktail. Le fait de ne pas ressentir la peur, le fait éventuellement d'être dépressif, le fait d'être un peu addiction, l'amour de la découverte, les sensations. On n'a pas parlé des sensations. Hein. Robert Flématil, le compagnon de René de Maison, disait « Moi, je respire doublement quand je suis en situation de danger. » La joie de contrôler une situation difficile. Et puis, il y a même Alain Robert, le grimpeur de gratte-ciel, qui dit que chaque fois qu'il grimpe, il a l'impression de se faire une place entre la vie et la mort. Alors, vous notez quand même un paradoxe dans notre société. Rapport ambigu à la peur. Risque zéro, principe de précaution. Mais en même temps, on se plaît à frissonner avec ces aventuriers, ces sportifs de l'extrême qui mettent sur Internet, notamment, ou parfois à la télé, des vidéos qui sont fascinantes par la prise de risque qu'ils prennent, eux. Prise de risque ou fausse prise de risque. Aujourd'hui, on est dans une société du frisson. C'est-à-dire qu'on ne veut surtout pas de vrais risques, mais on veut frissonner parce que ça nous donne un élan. Mais on pourrait se poser la question, est-ce que la véritable aventure existe encore? N'oublions pas la définition de John Kelevich. Hein, l'aventure, c'est le jeu, l'inconnu, et le sérieux, la possibilité de la mort. Ouais, alors les aventuriers, vous en amusez d'ailleurs dans le début de votre ouvrage en disant aujourd'hui les aventuriers prennent des assurances multirisques avant de partir. Alors on va à l'autre bout du monde, soi-disant dans des terrains incognita, mais on a quand même, au cas où la valise se perd dans l'avion, ou si jamais on perd quelque chose en route, tout est assuré. Tout est assuré, mais on va traverser le haut d'Olpo à la frontière chinoise pendant un mois. Mais alors est-ce que ça veut dire vraiment que l'aventure n'existe plus pour autant? Non, parce que l'aventure est, Dieu merci, l'aventure est personnelle. Et à chacun son aventure. Mais attention à ne pas faire du fake adventure, comme dirait Donald. Alors, à la fin de votre livre, vous donnez quelques conseils sur la peur aux baroudeurs du quotidien. Parce que finalement, cette question de la peur, de vivre avec, de s'en servir pour aller plus loin, il n'y a pas besoin d'aller au pôle ou en haut de l'Everest pour y être confronté. Dans nos vies de tous les jours, il faut qu'on fasse avec nos peurs. Vous donnez donc quelques conseils. Alors, donnez-nous ces conseils à nous simples mortels qui n'allons pas forcément à l'autre bout du monde. Alors, il y en a 18, alors je vais en tenir quelques-uns. Ouais. Le premier, c'est de comprendre que la peur nous appartient. Ça, c'est essentiel. Surtout, ne pas rejeter, ne pas nier, ne pas surmonter sa peur. Dire, cette peur, c'est la mienne et je vais essayer de la comprendre. Ça, c'est le premier point. Puis le deuxième, ça, c'est aussi Ça, c'est peut-être plus compliqué. C'est essayer de dépouiller la peur de ses oripeaux, notamment de tous les fantasmes. Hein, d'essayer de retrouver le danger objectif. Et puis, allez, un dernier pour le voyage, ça, c'est la peur du vide. Et moi, je le fais. Et ça fait rigoler tout le monde, mais ça fonctionne. Quand je vais faire en escalade vers un pas un peu exposé, un peu difficile, je fais comme si j'avais un stylo entre les dents, au fond des dents, comme ça. Et je me force à sourire artificiellement. Et quelque chose se passe derrière mon cerveau, tiens, proche du cerveau limbique, là où se trouve l'amygdale, qui me dit, finalement, c'est pas si grave que ça parce que t'es en train de rigoler. Il faudra que j'essaye. Le coup du stylo qui fait sourire artificiellement. Je rappelle le titre de votre livre, Éloge de la peur, aux éditions Guérin. Restez avec nous dans un instant. Pierre Josse, le rédacteur en chef du Guide du Routard, nous emmène en Irlande. C'était Goma, Bon Voyage Organization. Et la programmation musicale du temps d'un bivouac est signée Thierry Dupin. Quand c'est pas le bateau, c'est l'avion. Toujours les valises. Sur France Inter. Un jour à Bornéo, un jour à Shanghai. Un baiser de Russie, un banco à Bangkok. Le temps d'un bivouac. Mais je vous dis qu'il nous aura tout fait. Bonjour Pierre Josse. Salut Daniel. Rédacteur en chef du Guide du Routard. Aujourd'hui, on visite le Buren, m'avez-vous dit. Est-ce à dire que vous nous faites une émission sur le célèbre Buren, l'auteur des colonnes du palais royal? Non, pas du tout. Non, cher Daniel. Je vous emmène plutôt dans l'un des paysages les plus insolites d'Irlande, dans l'une des régions les plus mystérieuses et chargées d'histoire de la Vert-Terrain. Le Buren, à l'ouest du pays, dans le comté de Clare, au sud de Galway. C'est, comme on dit, un relief karstique, là je vais être un peu exégète, hein, du nom de Karst, une région à cheval entre la Croatie et la Slovénie. Et de façon plus scientifique, c'est une structure géomorphologique résultat de l'érosion hydrochimique de roches solubles, comme le calcaire par exemple. On en trouve très très peu de par le monde, en France essentiellement le Larzac, Montpellier-le-Vieux et quelques autres. En Irlande, c'est donc une vaste région désertique, riche en paysages lunaires. D'ailleurs, Cromwell, eh oui, l'ignoble bourreau anglais de l'Irlande, disait du Buren, c'est une région où il n'y a pas assez d'eau pour noyer un putain d'Irlandais, pas assez de bois pour le pendre, pas assez de terre pour l'enterrer. Vous nous proposez de drôles de vacances, Pierre, là. Oui, justement. C'est la destination de rêve pour les amateurs de paysages sauvages. De rêves d'évasion dans les décors de Tolkien. Ces horizons tourmentés, ces visions fantasmagoriques. Ces roches déchirées, taraudées, sculptées par les vents marins. Ça laboure littéralement l'âme. On suffoque devant tant de beauté, de grandeur magique et pathétique. Et puis, ça enchantera aussi d'avril à mai, les botanistes et herboristes par l'extraordinaire richesse de la flore, unique en Europe. Une flore maritime et de montagne, coexistant pacifiquement. Et alors là, le vent transporte le limon dans les crevasses, et c'est l'explosion. L'éblouissement des Ophrys apifera, des Gentiana verna, et autres Carlina vulgaris. Et si on n'est pas spécialement porté sur la botanique? Bon, alors là, c'est le paradis des randonneurs. Tout au long des routes les plus étranges qui soient. Les Green Roads. Comment expliquer les Green Roads? Ces routes creusées dans le calcaire et qui ne montrent aucun signe de trafic, qui semblent comme inutiles, abandonnées. C'est qu'en fait, elles n'ont jamais été utilisées. Lors de la grande famine qui frappa l'Irlande, de 1845 à 1848, des centaines de milliers d'Irlandais moururent de faim. Les autres errèrent sur les routes pour grignoter l'écorce des arbres. Émue, la généreuse Angleterre offrit une soupe quotidienne. Mais comme il ne serait pas dit que ces paysans squelettiques resteraient oisifs, elle leur a organisé des travaux d'intérêt public collectif pour 5 pence par jour. Et là, les Irlandais Shadock creusèrent de nombreuses routes à travers le Buren. Pour rien! Pour les occuper, comme on dit. Et depuis, l'herbe a poussé dans les anfractuosités et créé ces merveilleuses routes vertes au milieu d'âpres et sublimes paysages et aujourd'hui vraiment appréciées des randonneurs. Et alors, je cherche la petite bête, mais si on n'est pas randonneur, Pierre? Oh! Bah enfin, merci de me laisser encore une chance. Là, c'est un autre éblouissement. La découverte d'un patrimoine géologique, préhistorique et archéologique d'une richesse invraisemblable. Des Thurlows. Nom un peu bizarre, mais ce sont des lacs éphémères qui peuvent apparaître et disparaître au gré des marées lorsqu'elles s'engouffrent profondément dans les grottes de la côte. Et puis, aux râpes de dolmens, des menhirs à foison et surtout des forts préhistoriques à l'architecture fascinante. Certains d'entre eux sont entourés de roches acérées, plantées en terre pour ralentir la progression de l'ennemi. Pour le fort de Dan Angus, par exemple, dans l'une des îles d'Aran, on a mis 20 minutes pour faire 300 mètres. Et le général Romaine s'en inspira d'ailleurs pour le mur de l'Atlantique avec ses obstacles de béton appelés asperges de Rommel. Et puis gâteau sous la cerise, au rab de superbes ruines de monastères, d'églises, de cathédrales, de châteaux médiévaux et les cliffs de Moher, plus haute falaise d'Europe. Et puis pour les gourmands, les restos de fruits de mer, pour les savoureuses huîtres de la baie de Galway, c'est des belons énormes. Et puis les chaleureux pubs musicaux, le donjon de Yeats pour l'un des plus grands poètes irlandais. Vous me pardonnerez, Daniel, mais je suis venu avec mes boots, mon sac à dos, et j'y retourne de suite. Je crois que je vais vous accompagner. Merci Pierre Josse, je rappelle le titre de votre dernier livre, Chronique Vagabonde, une coédition Hachette Le Routard. À mardi prochain, Pierre. À mardi. Merci pour ce merveilleux spectacle. La routine. Demain à 16h, nous partirons observer les oiseaux de nos campagnes et à 17h, suite du récit de l'expédition de La Pérouse, nous découvrirons ce qui est arrivé aux survivants du naufrage de la Boussole et de l'Astrolabe. À demain donc pour de nouvelles aventures.